Sabia Bandi. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Isanganiro. Bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. L'audience publique dans l'affaire entre le ministère de l'Intérieur et l'Union burundaise des journalistes qui était prévue ce jeudi a été reportée. La raison, l'avocat de l'État n'était pas prêt. Près de 160 candidats officiers vont bientôt intégrer les forces de défense nationale du Burundi. Une annonce du porte-parole de la FDN. Des mesures ont été prises pour éviter des fraudes et vols dans la collecte des cotisations des non-salariés pour les élections de 2020. C'est le porte-parole du ministère de l'Intérieur qui l'annonce. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. L'audience publique dans le procès opposant l'Union burundaise des journalistes UBJ et le ministère de l'Intérieur, qui a été prévu ce vendredi, a été reporté pour le 6 septembre prochain. La raison est que l'avocat de l'État n'a pas encore présenté ses conclusions sur la plainte de cette organisation des professionnels des médias qui demande l'annulation de la décision du ministère de l'Intérieur portant sa suspension. L'avocat conseil de l'UBJ considère que cette décision d'octobre 2016 est irrégulière. Suivez Maître Patrick Didier Nouwukuri. Aujourd'hui, nous avons comparu devant la cour administrative dans l'affaire RAEP 650 qui concerne la demande en annulation de la suspension de l'UBJ, Union burundaise des journalistes, décidée par le ministre de l'Intérieur et de la formation patriotique. La suite, c'est qu'aujourd'hui, en audience publique de ce jour, il a été décidé de remettre la cause au 6 septembre prochain pour permettre à toutes les parties de conclure et sur le fond et sur la forme. Et nous espérons qu'à cette date, l'affaire pourra être prise en délibéré et la mesure de suspension abusive de l'Union burundaise des journalistes annulée. L'Union burundaise des journalistes avait été suspendue par le ministre de l'Intérieur et de la formation patriotique en octobre 2016, mais c'est une mesure qui n'est pas conforme à la loi du moment que seul le ministre en charge du travail peut demander la dissolution ou la suspension des unions syndicales, des syndicats et des unions syndicales. Donc c'est une mesure a priori annulable. C'était la Patrick Didier Nouwukuri, avocat de l'UBJ. La décision de suspension de l'UBJ a été prise le 24 octobre 2016. Après celle du 19 du même mois qui radiait 6 organisations de la société civile, à savoir Forsker, Focodé, ACAT, APRODH et RCP, toutes étaient accusées de mener des activités non consignées dans leur statut. Des mesures ont été prises pour éviter des fraudes et vols dans la collecte des cotisations des non-salariés pour les élections de 2020. Le porte-parole du ministère de l'Intérieur qui l'annonce dit que certaines de ces mesures et la confection des carnets de reçus qui ont été distribués à tous les administrateurs communaux. Terence Nahiraja explique que c'est ce travail qui a retardé le début effectif de la collecte de ces fonds. On avait attendu de faire cela seulement. Pourquoi? Parce qu'il fallait d'abord qu'on confectionne une reçue spéciale qui sera donnée à quiconque pourra justement donner ses contributions en vue d'éviter les fuites, la fraude et les vols. Vous savez que les communes ont une autonomie de gestion et les communes ont une manière de collecter les recettes quotidiennement dans les collines, dans les zones. C'est de cette manière qu'ils vont procéder, à condition que le matériel soit là. C'est la même formule qui est utilisée pour collecter les recettes au niveau des communes. C'est la même formule qui sera utilisée pour se collecter. Concernant bien entendu les élèves, il y aura la collaboration de l'administration, des DCE et des DPI pour bien collecter ces recettes au niveau de la jeunesse étudiantine et élève. Terence Nahira Jacques est porte-parole du ministère de l'Intérieur. Et sur la page sécurité, 158 candidats officiers, 459 candidats sous-officiers, 2018 candidats militaires de rang sont ceux qui ont été retenus pour entrer dans les forces de défense nationale du Burundi. C'est ce que fait savoir le porte-parole de l'armée nationale. Dans une conférence de presse de ce vendredi, le colonel Floribert Wiyereke a précisé que la sélection a été opérée sur base des résultats obtenus par les candidats et la politique d'assurer les équilibres ethniques, régionaux et genre. Il aura ajouté que des candidats retenus seront affichés au chef-lieu des provinces ce samedi 7 juillet. Suivez-le. Le processus de recrutement des militaires de rang, des sous-officiers et officiers enclenché le 26 février 2018 s'est achevé le 3 juillet 2018. La sélection a été opérée sur base des résultats obtenus par les candidats au test portant sur les compétences intellectuelles et aptitudes physiques. En plus, la sélection a été guidée par la volonté d'assurer l'équilibre ethnique et régional, d'une part, et la prise en compte de la dimension genre, d'autre part. Le bilan du recrutement se présente donc comme suit. Pour les candidats officiers, 158 ont été sélectionnés, dont 10 filles et 4 candidats de l'ethnie Twa. 450 candidats sous-officiers ont été sélectionnés, dont 36 filles et 22 Twa. Candidats militaires de rang. 2018 candidats ont été sélectionnés, dont 72 filles et 36 Twa. Les listes des candidats retenus seront affichées au chef-lieu de leur province respective, samedi le 7 juillet 2018. Les candidats retenus se présenteront au chef-lieu de leur province pour des ramassages vers les centres d'instruction dans l'ordre ci-après et les dates suivantes. Pour les officiers, le ramassage se fera le 12 juillet 2018. Pour les sous-officiers, le ramassage se fera le 15 juillet 2018. Pour les candidats militaires de rang, le ramassage se fera du 16 au 19 juillet 2018. Les détails du timing en rapport avec le ramassage des candidats seront disponibles au chef-lieu des provinces. La FDNB saisit cette opportunité pour féliciter les candidats retenus tout en rappelant que ces derniers subiront un test médical une fois arrivés au centre d'instruction. La radio de l'avenir. La régie de distribution de l'eau et de l'électricité, régie des eaux au Burundi, reconnaît les perturbations dans l'approvisionnement en eau potable en mairie de Bujumbura ces derniers jours. Dans un communiqué de presse de ce jeudi, le directeur général de la régie des eaux indique que cette situation est due à un problème survenu à son usine de traitement suite à la hausse de la turbidité et que les travaux de renouvellement de gravier et du sable sont en cours. Sumeo Hakizimana promet qu'à partir de la semaine prochaine, la situation sera améliorée et appelle la population urbaine à prendre toutes les dispositions nécessaires pour stocker l'eau fournie au fur et à mesure de sa disponibilité. La carence de coton depuis près d'une semaine est à l'origine des congés de 500 employés de la société Afri Textile. Félicien Nyonizi Guillé, chef du personnel, rejette toute idée faisant état d'une probable fermeture et fait savoir que les 500 employés reviendront au travail dès que le coton est livré. À la compagnie de gérance du coton, son directeur général informe qu'à la fin de ce mois, l'usinage pourra débuter. Mireille Kanyang. La production mensuelle d'épagne à la société Afri Textile est d'un million de mètres, affirme Félicien Nyonizi Guillé, chargé du personnel à cette société. Parmi les prévisions de production, on doit atteindre chaque mois une production d'un million de mètres, surtout quand il s'agit du kitenge. Mais à côté de cela, nous produisons également du polyester coton ou du polyester tout court, que ce soit des essuie-mains, des drills, des draps, et donc qui vont encore une fois rehausser ce quantum de production. Et donc on peut dire que jamais on n'est en dessous de 1 million de mètres par mois. Malgré une telle production, les défis ne manquent pas, c'est entre autres la carence du coton. Le défi à relever, il y avait d'abord les coupures fréquentes de courant électrique qui, il y a quelques mois, je dirais, étaient stabilisées. Il y a la régie des eaux qui avait essayé d'organiser le travail de façon que les coupures ne soient pas aussi fréquentes. À part ça, il y a ce problème-là de la COGIRCO, de carence de coton. Et donc, nous interpellons cette société pour essayer d'augmenter un tout petit peu la production. Et comme ça, ça nous permettrait de tourner à temps plein et sans arrêt. C'est cette carence qui est à l'origine des congés de 500 employés de cette société, explique encore M. Nionizigiye. Seulement, il y a eu l'envoi d'une partie des travailleurs en congé suite à une carence du coton sur place. Et donc, on a une promesse que d'ici 2-3 semaines, on sera approvisionné et donc les travailleurs vont retourner au travail. La société pourra fonctionner à plein régime. Bien qu'il n'y ait pas de coton il y a à peu près une semaine, l'usine ne va pas pour autant fermer ses portes, poursuit le chargé du personnel à l'Afrique Textile. Le coton, qui est une matière première au fonctionnement de cette société, est fourni par la compagnie de gérance du coton COGIRCO. Son directeur général, Pierre Claver Nahiman, affirme que les aires de culture du coton ont diminué, mais que l'heure est à la récolte. Il indique en outre qu'à la fin de ce mois, l'usinage du coton pourra commencer. L'Afrique Textile a débuté ses travaux en 2010 en remplacement du complexe textile du Burundi Kotebu. Cette société emploie aujourd'hui plus de 900 personnes. Nous disons merci à Mireille Kanyange, le titulaire du permis d'exploitation minière, opère dans son permettre acquis après le permis de recherche. Il est aussi tenu à ne pas étendre l'espace lui accordé. Le détenteur de ce droit minier s'engage à communiquer sans délai au ministre des Mines et les accidents survenus au cours de l'exploitation minière comme contenu dans l'article 92 du Code minier du Burundi du 15 octobre 2013. Cette loi interdit certains fonctionnaires de l'État, comme les forces de l'ordre, à adhérer dans les coopératives minières. Les emprisonnements allant de 10 à 20 ans et d'une amende allant de 100 à 500 000 francs burundais, c'est telle est la variation des peines qu'encourt tout auteur d'infraction de feu de brousse. Le directeur général de l'Office burundais pour la protection de l'environnement fait savoir que ces sanctions aident dans la lutte contre les feux de brousse. Radio Isanganiro, chronique environnement. Les déchets d'équipements bureautiques et électroménagers sont nuisibles pour l'environnement et pour la santé humaine. Professeur émérite Ndikumana Théophile, expert en sciences chimiques et sciences de l'environnement, donne l'exemple des équipements de refroidissement comme les frigos. Pendant le démantèlement, ils dégagent des gaz qui détruisent la couche d'ozone. La chronique environnement avec Christella Nizigama. Dans notre précédente chronique environnement, nous avions parlé des carcasses de voitures, de moteurs qu'on trouve entassés par ici et par là, et plus spécialement dans les garages, qui constituent une source de nuisance pour l'environnement. Professeur émérite Ndikumana Théophile, expert en sciences chimiques et sciences de l'environnement, nous explique aujourd'hui les dégâts causés par les déchets d'équipements bureautiques et électroménagers. Ceci augmente avec le niveau de vie des gens. Vous voyez, le niveau de vie des gens augmente. Alors, le taux de consommation des équipements électriques et électronique augmente. Il se fait que leur durée de vie est également réduite. Prenez par exemple la vie d'un ordinateur, ça vous fait environ 4 à 6 ans maximum. Un téléphone portable, c'est 3 à 4 ans maximum. Bon, un ordinateur de bureau, ça peut aller jusqu'à 8 ans, mais c'est vraiment... Un micro-ondes, c'est 4 à 5 ans. Un frigo, ça fait environ 8, 10 ans. Donc, la durée de vie de ces équipements est assez réduite et on est amené à les jeter, c'est-à-dire à les éliminer. Cet expert dit que les déchets de ces équipements, lorsqu'ils sont jetés, ils vont finir par être récupérés par les gens qui pourront pourrait les démanteler et en tirer une certaine bénéfice. Pendant le démantèlement, vous avez des poussières qui vont être émises et ces poussières sont très nocives pour la santé humaine. Des frigos, la partie, disons, centrale, vous avez un compresseur qui utilise un gaz en vue du refroidissement. Ce sont des fréons qui, une fois relâchés dans l'atmosphère, peuvent impacter la couche d'ozone. Pour professeur Ndikoumana Théophile, il est possible de recycler ces équipements bureautiques et électroménagers. Des parties métalliques, il y a moyen de les recycler, mais il faut être au parfum des techniques à utiliser pour le recyclage. Les parties plastiques, si l'on dispose d'équipements pour le démantèlement et des parties plastiques, on peut les réduire en petites particules qui alors peuvent servir pour le renforcement des chaussées et d'autres usages. La mise en place d'une législation relative à l'élimination de ces carcasses est indispensable, explique professeur Ndikoumana Théophile. Donc l'État doit mettre sur pied des réglementations en matière d'élimination d'équipements électroniques et électriques. Voyez-vous, quand nous achetons du matériel électrique et électronique dans ces pays occidentaux, ou voire même en Chine et autres, il y a une taxe de recyclage ou d'élimination qui est payée. Donc, dans le coût de ces équipements, nous avons payé la taxe de recyclage, mais qui, malheureusement, ne nous revient pas ici. Donc l'État devrait tout faire pour récupérer cette taxe parce que le produit n'a pas été consommé dans ces pays européens. Le ministre des Affaires étrangères, il doit tout faire pour essayer de récupérer, de mettre en place les mécanismes de récupération des taxes de recyclage. Professeur Ndikoumana Théophile fait savoir que ces carcasses d'équipements bureautiques et électroménagers exigent beaucoup de moyens et de connaissances techniques pour les recycler, car, affirme-t-il, ils constituent un trésor. Merci à Christelle Anisgama. C'est sur cette chronique à environnement que nous bouclons ce journal. Merci de l'avoir suivi.